Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Eh bien, bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus et vous avez raison d'écouter Angle d'attaque proposé par Attaque Métropole, Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour réaliser cette émission, Florent est aux commandes, Ludovic, Louis et Christian. Vous remarquez immédiatement l'absence de René Lascience pour cause de manif qu'on espère monstre à Paris contre les grands marchés transatlantiques dont nous cessons de dire, que dis-je, de démontrer la nocivité pour les économies européennes. Si le grand marché avec les États-Unis semble bien parti pour être un échec, encore que faut voir, celui avec le Canada est plutôt sur les rails. Juncker et Schulz sont bien d'accord pour le faire passer par une entourloupe de la dernière crasse à la Juncker, un traité provisoire couvrant 90% des négociations. Quand je parlais de crasse, elle est pas mal celle-là. René, on est de tout cœur avec toi et avec tous les autres manifestants. Et maintenant, de quoi on cause aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui nous a été inspiré par un centenaire, pas le centenaire de la naissance d'Aldo Moro, on ne va pas s'attarder non plus sur ça, celui de Léo Ferré, c'est quand même plus important, on en passera une chanson, mais c'est surtout le centenaire du Canard enchaîné, le 5 juillet 1916. Dans son numéro anniversaire, le Volatile rend hommage à la presse libre, dont nous disons plutôt, nous, alternative. C'est le Ravi de Paca, la lettre à Lulu, à Nantes, of course, Lulu, forcément. Le fakir d'Amiens, bien sûr. On se souvient ému du torchon brûle menstruel périodique de 68. J'en oublie. Sauf que j'oublie pas la brique. La brique, puisqu'elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour, mesdames, madame et messieurs de la brique. On va vous présenter tout de suite. La brique, victime de l'ire de Martine Aubry, à qui on a envie de demander « Tu vas bien, Martine, avec ton coup sur la brique ?» C'est Ludovic qui commence l'interview. Il va d'abord contextualiser cet entretien. Oui, je voudrais redonner quelques éléments peut-être de cadrage par rapport à la notion de médias alternatifs en me posant la question « Qu'est-ce qui rend alternatif les médias alternatifs ?» Une question évidemment éminemment... D'intello. Éminemment logique, oui, alors je vais être très très rapide, hein, mais alors évidemment la difficulté de définir les médias alternatifs vient du fait que les médias dits alternatifs se désignent aussi par des qualifications qui sont extrêmement variées, ça va des médias libres, médias pirates, médias militants, coopératifs. On a parlé dans les années 70 de médias communautaires, médias indépendants, donc chaque dénomination évidemment renvoie à des configurations historiques et idéologiques particulières, donc ce qui rend la définition un peu compliquée, mais si on s'appuie sur un sociologue, Dominique Cardon, les médias alternatifs relèveraient de toutes les mobilisations sociales, je cite, « progressistes » qui orientent leur action collective vers la critique des médias dominants et ou la mise en œuvre de dispositifs alternatifs de production. Voilà la définition canonique, si j'ose dire, des médias alternatifs que nous donne Dominique Cardon. Donc dans cette acceptation extrêmement large, on peut citer Acrimed, par exemple, plutôt un site qui fait de la critique des médias comme le font ces groupes de surveillance. Donc voilà, Acrimed me paraît être un bon exemple. Mais on peut citer également la production faite par les organisations syndicales ou politiques qui ont aussi leurs médias, qui participent aussi d'une production alternative de médiatique. Ça passe également à tous les médias alternatifs autonomes, dont la brique, me semble-t-il, en est un bon exemple, sans oublier les mouvements revendicatifs qui prennent forme au sein même du champ journalistique, sous différentes formes. Je m'arrête là, après on pourra peut-être revenir sur les différentes typologies qu'on peut faire des médias alternatifs et comment situer peut-être la brique, mais je vais donner peut-être la parole à nos invités. Oui, on va d'abord les présenter. On a le directeur de rédaction, c'est ça? Non, c'est le directeur de publication, c'est à titre seulement législatif et voire même honorifique. Et tournant sur lui-même. Oui. Déjà, bah voilà, vous pointez du doigt quelque chose d'intéressant, c'est que c'est Loïc qui parle. Oui, c'est Loïc. Bonjour. Non, c'est Harry. Oui. Enfin, merci d'avoir révélé ma double casquette. Voilà, vous pointez du doigt quelque chose d'intéressant, c'est que déjà des médias alternatifs, ils ont des modalités d'organisation qui sont différentes des médias classiques. C'est-à-dire que nous, ce qui nous distingue, par exemple, de La Voix du Nord, c'est que on revendique un fonctionnement horizontalisant. Et donc voilà, la fonction de directeur de publication, elle existe uniquement aux yeux de la loi et n'a aucune valeur au sein du collectif. Après, on peut prendre aussi d'autres façons de s'organiser, c'est-à-dire que nous, on écrit le journal, on le maquette, on le vend, on fait toute la partie logistique et même le service après-vente ici à Campus, par exemple. Donc ça aussi, ça fait partie des choses que les autres médias n'ont pas, c'est-à-dire que sur la chaîne de production du journal, on est vraiment là de A à Z. Après, ce qui peut distinguer aussi la presse alternative des médias, ça s'oppose évidemment aux médias mainstream, c'est la question de l'indépendance. Donc nous, on se revendique sans subvention, sans concession, sans publicité aussi. Et donc ça vient contrecarrer totalement les médias classiques, habituels, qui appartiennent quasiment tous à des grands groupes financiers ou à des patrons comme Drahi ou comment il s'appelle, Bernard Arnault. Enfin, il y a une dizaine de milliardaires qui se partagent, 90% du champ de la presse. Et bien heureusement, nous, on n'est pas dedans. Claire. Du coup, moi, pour juste compléter un petit peu, je pense qu'il y a aussi ce truc de vouloir contrer à un moment donné les sources d'informations locales qui sont par exemple tenues par des groupes financiers, comme tu l'as dit, mais qui sont aussi très orientés politiquement, même s'ils ne se le disent pas comme ça. Et donc, du coup, qui génèrent, je pense, un besoin d'informations qui soient faites par nous et pour nous et qui permettent de relier des choses que ce genre de médias ne font pas. C'est d'autant plus clair, on en reparlera avec le dernier numéro que sur la santé, qui est assez remarquable. C'est Pierre qui va prendre la parole. Oui, juste pour compléter aussi, donc par rapport à ce que disait Claire à l'instant, c'est déjà en fait, quand on pense alternatif, on pense aussi effectivement information différente aussi et proposée aussi et qui est engagée aussi, il faut quand même l'assumer aussi, qui s'intéresse aux gens, aux individus, ceux qui luttent, hein. C'était notamment le cas du précédent numéro qui s'intéressait justement à un mouvement sur la loi travail, enfin contre la loi travail surtout, c'est donner la parole aussi effectivement aux gens, aux migrants par exemple, quand il y a un numéro aussi sur les hauts lieux par exemple. Donc c'est aussi, je pense, l'objectif et vraiment l'intérêt aussi d'un journal comme La Brique, c'est de proposer justement et de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas en fait habituellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant là-dessus. Après, pour compléter aussi une dernière chose, c'est La Brique est née il y a 10 ans, ce qui nous laisse 90 ans avant de rattraper le canard enchaîné. Il y a 10 ans, c'était la lutte contre le CPE, et en fait, c'est un groupe d'étudiants qui étaient indignés par le traitement médiatique de La Voix du Nord, des luttes, c'est-à-dire l'éternel discours sur les casseurs et tout. Et donc, il y a une volonté de créer un média qui soit le nôtre et qui soit en faveur des luttes et qui remette un peu les pendules à l'heure sur ce niveau-là. Oui, alors donc on a là ce qui vient d'être dit, c'est en général la presse alternative ou je me trompe ? La presse alternative, c'est quand même très très vaste comme question. Hein. On n'a pas du tout les mêmes modalités d'organisation qu'un journal comme Fakir. Nous, on préfère se revendiquer comme étant cousin du journal CQFD qui est à Marseille et diffusé nationalement, qui est composé uniquement de chômeurs. On n'a pas du tout la même stratégie d'un journal à l'autre. Vous prenez La Lettre à Lulu, par exemple. Eux, c'est des anciens journalistes de Ouest France. Ouais. Nous, on se revendique pas des écoles de journalisme du tout. On est plutôt des citoyens militants, universitaires, qui prennent la parole et qui font un petit journal. Petit journal qui a de la qualité. Ludovic. Oui, alors effectivement, peut-être revenir peut-être aussi sur le modèle économique de La Brique. Vous vivez essentiellement effectivement de vos lecteurs. On vit uniquement de l'argent de nos lecteurs. Oui, on est d'accord. Oui, modalité de financement. Bah, en fait, on est, c'est bien, ça permet de présenter le journal aussi. Alors, on a des abonnements, 17 euros pour les précaires, 25 pour les normaux. Ensuite, on a un poste très important, c'est la vente à la criée. Et donc, on va directement avec nos petits bras sur les marchés de LM, Oisem, Sébasto, oui. Et puis, le troisième poste, c'est les kiosques. Mais tout s'équilibre à peu près. Et en fait, on s'en fout d'être bénéficiaire absolument. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a comment dire, à peu près 1500 euros qui sont réinvestis de manière permanente sur le numéro suivant. Voilà, après, si on a un petit peu d'argent de côté, on fait d'autres projets et vous aurez des nouvelles de nous cette année probablement là-dessus. Allons, bon. On sera peut-être les premiers, Claire. Juste pour préciser, il y a aussi les ventes directes dans les bars et puis tout, dans les différents événements où la brique est parfois présente et qui, donc, à l'occasion desquels la brique va tenir des tables de presse pour faire aussi de la vente en direct. Avec les... Oui. Et puis pour ceux qui ne savent pas, la liste est donnée sur votre site, me semble-t-il, des lieux où on peut acheter la brique. Labrique.net. Et labrique.net. Voilà. Pierre, donc. Et juste pour compléter aussi, en fait, on fait effectivement des événements aussi, justement pour présenter aussi le numéro. En fait, hein. C'est l'idée aussi, c'est de rencontrer aussi les gens et de voir aussi, d'avoir un retour aussi sur le dernier numéro. C'est ce qu'on fait notamment, c'est les apéros briques qu'on fait après, systématiquement après chaque sortie de numéro. Donc le prochain ne va pas tarder d'ailleurs. Et l'idée aussi, c'est de, effectivement, déjà de vendre en directement aux gens, mais aussi vraiment d'avoir leur retour et de pouvoir présenter aussi ce qu'on a fait, ce qu'on a écrit nous-mêmes. En fait, c'est aussi le principe aussi. On est bénévole, rédacteur, dessinateur, et on peut rencontrer les gens directement et en parler avec eux et savoir ce qui leur a plu, ce qui les a interrogés, hein, et ce qu'ils ont trouvé pertinent aussi. Et ça, finalement, ça nous donne aussi une envie de continuer, de voir que en fait, ça plaît aux gens aussi, hein, et d'échanger avec eux. Hein. Donc c'est aussi l'intérêt justement de ces apérobriques qu'on fait régulièrement. Disons. Intéressant, effectivement. Ludovic ? Oui, alors on pourrait éventuellement parler de votre rapport avec Martine Aubry, par exemple. Parce que... là. Alors, il faut peut-être rappeler les faits d'abord. Peut-être rappeler les faits, voilà, parce qu'effectivement, il y a une actualité chaude qui vous concerne. D'accord. En fait, j'imagine que si tu parles de Martine Aubry, tu vas évoquer le petit procès qu'on a en ce moment avec la mairie de Lille. Bien sûr. Alors, pour remonter, février 2015, donc on est un mois après les attentats de Charlie, la police nous tombe dessus. Donc, police des Halles et Marchés de Lille. Et nous sur un marché, donc. Sur le marché d'Oisem, oui, un dimanche. Et nous demande gentiment de nous décaler, comme quasiment tous les dimanches. Et puis, bon, au bout d'un moment, il nous embête. Je fais, on fait quoi, là? Ça suffit. Donc le bonhomme sort son carnet. Je lui rappelle la loi, ce qui est quand même assez kiffant de rappeler la loi à un policier. Donc, c'est la loi Bichet d'avril 1947 qui protège la diffusion de la presse. Et donc, grosso modo, l'article 1 dit toute entreprise de presse est libre de distribuer elle-même ses numéros par les moyens qu'elle jugera convenables à cet effet. Donc, nous, on se retranche derrière ça. Eux, ils font leur travail. Et 339 jours plus tard, on reçoit une convocation au tribunal. Et donc, ça a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. Et donc, en face d'un juge de proximité. Et c'était assez rigolo parce que le monsieur... C'est même pas un vrai juge, hein, c'est un ancien avocat, donc il porte même pas la robe et tout. Il campe sur ses positions et dit « Oui, mais votre tract, au lieu de parler du journal, parle de distribution au lieu de vente. » Et puis nous compare à la secte de Raël en disant « Ah oui, j'ai déjà jugé une affaire similaire et tout. » Donc c'est assez intéressant de comparer la brique peut-être qu'ils nous prennent pour des extraterrestres. Hein, c'est... Et donc voilà, le rendu de la décision sera le 8 novembre. Et puis je pense qu'on sortira un petit article bien sec sur cette histoire-là. Mais ce qu'on peut dire, à la vue de l'audition, c'est loin d'être gagné, quoi. Enfin, vu la psychologie dans laquelle était le procureur et le président du tribunal, ça semble pas forcément gagné. Bon, après, les enjeux sont pas énormes. C'est que 38 euros. C'est plus une affaire de principe. Et si on met en relation avec ce qui s'est passé au rond-point des postes, qui était le même jour, quasiment à la même heure, dans le même tribunal, eux, ils risquent quand même 24 000 euros de frais pour avoir dégradé la chaussée du rond-point des postes quand ils avaient cramé des pneus contre la loi travail. Donc, ah oui, effectivement, voilà. Si on met l'église au milieu du village, bon, on peut bien relativiser la chose. Alors, une seconde, Martine Aubry là-dedans, qu'est-ce qu'elle a à voir ? Alors Martine Aubry, elle a à voir parce qu'elle a déjà les maires de Lille, hein, ouais. Et donc en fait c'était la police municipale. Donc c'était la police municipale. D'accord. Et donc si tu veux, Martine Aubry a quand même validé l'article 43 du code des halles et marchés de Lille, qui interdit la distribution et la vente de journaux sur le périmètre du marché. Donc dans ce cas-là, enfin elle a validé ce truc-là et qui rentre clairement en contradiction avec la loi nationale. Donc normalement il y a une hiérarchie des normes. Là, on peut dire que c'est à ce moment-là qu'elle intervient. Décidément, la hiérarchie des normes a bonne presse actuellement, si j'ose dire, d'ailleurs, dans le gouvernement et les turiféraires, d'ailleurs, de la gauche, dite gauche au pouvoir. Oui, tu voulais dire quelque chose, Ludovic. Oui, en manifestant, en plus, il y a deux poids, deux mesures par rapport à la diffusion, parce que tu laissais entendre que la Voix du Nord, manifestement, avait des possibilités de vendre aussi à la criée, et que, manifestement, Martine Aubry, là, n'avait pas l'air très... Ça n'avait pas l'air de trop la gêner. Donc... Oui, ça revient à l'idée de qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, qu'est-ce que c'est qu'un journal. Donc pour eux, on n'a clairement pas la légitimité et puis on tient plus du tract gauchiste dans leur tête que d'un vrai journal. Donc c'est à partir de ce moment-là, tout le mépris du monde est possible et toute violation de la presse, de la liberté de la presse est possible aussi. Donc eux, ils se retranchent derrière ça. Moi, je crois que c'est effectivement très important ce que tu viens de dire, précisément, parce que il y a une presse qui n'est pas gouvernementale, mais il y a un consensus, c'est ce qui frappe le plus dans la presse aujourd'hui. Je parle même pas de la presse télévisée, c'est pire encore. Il y a un consensus général, simplement parce que la presse est détenue par les manias dont tu parlais tout à l'heure, Bolloré, on va pas faire la liste, mais et qui fait qu'il y a une uniformité de l'interprétation des événements qui est sidérante, quoi. Claire, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Juste pour faire le lien du coup avec le numéro là qui sort actuellement et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement on voit, enfin donc il y a cette situation là qui en contrepartie ne rencontre pas, enfin en fait les gens ont envie aussi de lire des choses qui ne vont pas dans le sens que tu es en train de dire, et notamment enfin l'exemple le plus criant là qu'on est en train de voir en ce moment, c'est l'article là qu'on vient de sortir sur le site internet qui est dans le dernier numéro papier sur une affaire qui se déroule, une affaire de pollution qui se déroule à Lille-Sud, en ce moment même, quelques heures après avoir été mis en ligne, avait déjà plus de 1000 vues sur le site internet. Donc, véritablement, là, il y a une vraie demande que la presse type Nord Éclair ou La Voix du Nord ne répond absolument pas, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse, sur ce papier-ci, La Voix du Nord avait été contactée par les habitants concernés par cette affaire de pollution et s'est rétractée après avoir dit oui, peut-être ça peut être intéressant de traiter ce papier-là, puis finalement, étant donné, à mon avis, les enjeux politico-économiques derrière cette histoire-là, n'a pas voulu traiter cette affaire-là. Donc, oui. Des journaux comme La Brique, à ce moment-là, ont vraiment leur raison d'être. Alors, est-ce que vous souffrez pas, justement pour ce genre d'événement très ponctuel, est-ce que vous souffrez pas de votre parution trimestrielle ? Bah non, puisqu'on a... Enfin, oui et non. Il y a le site. Il y a le site internet. Et puis de l'autre côté, oui, le fait qu'on soit publié tous les deux mois ou trois mois environ, ça permet aussi de décanter les choses et de réfléchir beaucoup en amont. C'est-à-dire qu'on est une petite quinzaine, voire vingtaine à se réunir de manière hebdomadaire. Et on discute de beaucoup des angles à aborder, de qu'est-ce qu'il faut dire, quelle est la position commune du journal. Et donc c'est ce qui offre aussi une qualité de papier qu'on ne pourrait pas avoir forcément dans l'immédiateté. Peut-être dernière chose pour compléter ce que dit Claire sur la pollution à l'Île-Sud, c'est que là, il y a quelqu'un qui est mis en cause, qui est Jacques Richir, qui est le maire donc de l'Île-Sud. de maire de quartier de l'Île-Sud. Et enfin, on peut se demander, tiens, la voie du Nord commence à reculer là-dessus. Et enfin, ce dont on se rend compte souvent, c'est que la presse, elle est tributaire de ces gens-là, que ce soit la police, les politiques ou les grands patrons. Ils ont besoin de remplir leurs colonnes, et donc il y a une espèce de connivence qui est seulement dans les beaux salons. Si tu veux, ils se nourrissent les uns les autres, et comme nous on les nourrit pas, évidemment ils nous font peut-être mauvaise presse à cause de ça. Oui, Claire. Oui, juste pour repréciser sur cette question, sur la parution trimestrielle, ce temps qu'on prend, en fait, est aussi un temps qui nous permet de créer des vrais liens avec les gens qu'on rencontre aussi sur le terrain. Et notamment sur ce papier-là, ça nous a permis d'avoir un échange assez profond et intense avec les personnes qui étaient concernées. On est toujours en lien avec eux. C'est des gens qui, du coup, se mettent à lire la brique aussi, alors que c'était pas forcément le cas auparavant. Donc, c'est aussi un travail de fond que, un petit article ne permet pas. Oui, alors effectivement, c'est pas un journal de brève, on est bien d'accord. Les articles sont longs, mais argumentés, ça, c'est d'accord aussi. Ludovic, peut-être. Oui, alors peut-être revenir éventuellement sur le choix du support papier par rapport au numérique. Quels sont un peu les arguments qui ont présidé au fait que vous avez décidé de faire un papier, un journal? Et pas un site, enfin, même si vous avez déjà un site, mais bon, a priori, la brique, c'est avant tout le support papier. Donc. Mais je rebondirai, je continuerai ce qui précède la question, dans le sens où le papier permet de prendre une temporalité que Internet ne permet pas. Mmh. Et avec Internet, on va avoir tendance à balancer un certain nombre d'informations sans forcément les fouiller. Là, le papier, ça permet ça permet à nous d'avoir des discussions sur le suivi de rédaction des papiers, sur le suivi d'enquête. Chaque réunion, on discute de quelle est l'avancée de tel ou tel papier. Ça permet de prendre du temps. Ensuite, dans la diffusion, ça donne un rapport qui est totalement autre que quand vous balancez un article sur Internet, vous ne savez pas où est-ce qu'il atterrit, vous ne savez pas si les gens le lisent véritablement. Là, les gens sont dans une démarche où ils vont acheter le journal, ils vont s'asseoir au café, ils vont le décortiquer, c'est donné de la main à la main. Du coup, il y a un rapport qui est autre et qui s'inscrit dans la durée. Après, pour avoir participé à d'autres initiatives, cette fois-ci sur d'information sur le support Internet, le support Internet permet une réactivité que nous, on a peut-être un peu plus de mal à avoir parce qu'il y a ce support papier qui attend, qui est trimestrialisé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a essayé de... Le comportement de la brique au cours du mouvement social du printemps dernier montre bien qu'on a essayé de s'adapter en fait à cette temporalité-là, je vais y arriver. Le support internet était deux fois plus utilisé à ce moment-là que le support papier, quoi. Ça nous a permis de combiner les deux approches, d'avoir le site internet et le papier, quoi, à ce moment-là, quoi. Pierre. Et pour compléter aussi, justement par rapport au temps aussi, ce qui était intéressant justement par rapport justement au mouvement aussi contre la voie de travail, c'est que La Voix du Nord, par exemple, publiait très rapidement de nombreux articles, mais avec pas mal d'erreurs en fait aussi par ailleurs. Et en fait, je pense que c'est cette obligation finalement de produire de la news, de la brève, empêche effectivement de penser à un mouvement dans son ensemble et largement. C'est de se dire finalement qu'est-ce que ça nous dit de plus sur le mouvement, sur les gens qui se mobilisent, que de dire il s'est passé ça et ça, ça et ça, mais finalement on se pose pas les bonnes questions, ou on se pose pas de questions du tout. Et c'était un peu le cas notamment dans le traitement médiatique de La Voix du Nord. Et juste, et pour aller plus loin aussi sur cette question, pourquoi la presse papier aussi, pourquoi l'imprimer, c'est aussi pour occuper l'espace public aussi finalement. C'est être là justement durant les criées à Oisem ou à Sébasto, c'est aussi finalement avoir une présence dans les bars qui vont relayer aussi la brique. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que finalement c'est une certaine importance aussi. Et puis je sais pas, il y a du papier quoi, ça se lit, on ne lit pas de la même manière un article sur Internet, sur son ordinateur que sur sur presse-papier, en fait. Fais gaffe, tu vas faire vieux jeu, là, un seul coup, là. Peut-être. Je peux peut-être aller un peu plus loin aussi. C'est que la question que tu poses, elle est assez étrange, en fait. Tu prends 10 ans en arrière. Mais pourquoi vous faites un site internet ? Enfin, pourquoi vous faites du papier ? Enfin, c'est assez marrant comment maintenant quelque chose qui existe quand même depuis un peu plus de 200 ans, voire plus, enfin, c'est totalement retourné. C'est-à-dire, ouais, c'est has-been de faire un papier. Enfin, en face d'une tradition historique de petits canards, de petits papiers. Enfin, c'est assez rigolo de poser la question dans. Ah, j'ai pas posé la question comme ça. Hein. Oui, non, mais je m'amuse. Tu interprètes. C'est dans le. Parce que le canard, moi, je tiens beaucoup au papier, en fait. Et puis, alors, je suis de la génération qui tient au papier, en plus. Hein. Problème. Mais ouais, enfin, déjà, de concrétiser des idées sur un objet, ça, c'est quand même aussi très important. Et cet objet-là aussi peut circuler, peut se conserver dans le temps, plus que sur un fil d'actualité, je sais pas, pour retrouver une brève de la Voix du Nord d'il y a 10 ans, c'est compliqué. Après, il y a aussi un autre truc, c'est le rapport à la lecture. Enfin, lire sur un écran, déjà, c'est quelque chose de vertical en face de nous, un écran lumineux. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. L'idée du canard, c'est aussi de pouvoir se poser et de prendre le temps de le lire à un comptoir ou dans ses toilettes. C'est pas du tout la même chose que de faire du fil d'actualité Facebook et de lire 3 phrases d'un article, des fois même ne pas le lire et le partager parce que le titre est bon et la phrase accroche est bonne et la petite image est jolie, mais c'est plus le règne de l'image, tandis que nous on revendique plus un écrit, quoi, des idées. Oui, sans doute que le papier se prête plus à une appropriation peut-être plus collective, un peu comme le faisaient les mouvements ouvriers au 19e ou au 20e. On faisait des lectures collectives dans les quartiers populaires, les bars populaires. Peut-être que c'est ça un peu l'idée peut-être de la brique qui sous-tend ça. C'est peut-être effectivement de renouer en quelque sorte avec cette histoire-là. Une histoire où on attrape les classes populaires aussi avec. Avec le journal, et on s'approprie le journal un peu collectivement. Il y a un peu ce. C'est ça. Alors, moi, je le lis dans le métro de préférence, en m'ouvrant grand pour dire que c'est la brique, et sur le thème de la santé, qui intéresse effectivement tout le monde. Un mot sur le thème de la santé, quand même, un peu plus. Pierre, je vais pour présenter peut-être rapidement. Alors, je signale quand même Pierre qui faisait une grande présentation sur le site de Campus Lille, de Radio Campus. Hein. D'accord. pour le numéro santé, justement, c'était. Enfin, qui suivait justement le numéro. En fait, pour raconter un peu l'histoire de ce numéro, c'est qu'on avait prévu de le sortir début d'année, donc début d'année 2016. Et en fait, les modulations sur la loi travail sont mises en place. Et finalement, on s'est dit, tiens, en fait, on va laisser la santé de côté et s'intéresser à ce qui se passe actuellement. Donc, les luttes. Se sont déroulés, on a écrit nos papiers là-dessus, et en fait, une fois fini, on s'est dit, on va peut-être repartir sur la santé, hein, avec comme idée quand même en tête, c'est-à-dire comment expliquer qu'en, je sais pas, 10, 15, 20 ans, de manière assez générale, les usagers, les patients sont devenus de plus en plus des clients, en fait. Hein. Comment finalement, il y a une logique de marchandisation de la santé, marchandisation aussi du social, hein, qui s'est mis en place en même pas 20 ans, en fait. Hein. Et donc, et c'est notamment ce qu'on dit dans l'édito, mais aussi dans l'interview de Frédéric Piru, qui est chercheur au CNRS et chercheur en sciences politiques et qui est spécialiste de ces thématiques et qui dit un truc vachement intéressant, c'est que en fait on copie le modèle américain depuis 20 ans à peu près, sauf que le modèle américain, c'est le modèle le plus inégal et le plus cher au monde. Et en fait, c'est effectivement, c'est ce qu'on copie. En fait, c'est la logique finalement de dire un hôpital, ça doit être efficient, ça doit être même presque rentable. L'hôpital public doit copier le modèle des cliniques privées, hein, sans en fait se soucier que derrière il y a des enjeux plus importants en termes de travail, de précarité du travail, en termes de prise en charge des patients notamment. Donc ça, c'est un peu pour globalement. Et en fait, le numéro traite donc à la fois justement de l'hôpital, mais aussi de la psychiatrie aussi, avec deux rédacteurs qui ont été dans un hôpital psychiatrique. Se faire interner pour se questionner aussi sur. Ah, quand même. Qui ont été. En fait, c'est à Laborde et qui ont été justement dans cet hôpital, qui est un peu un hôpital un peu différent, dans la mesure où il y a quand même une logique plus d'horizontalité. Finalement, on arrive à confondre patients et professionnels. Donc, ils ont été jusque-là pour la brique et pour informer les gens. Donc, je vous invite à le lire. Et il y a des articles aussi plutôt intéressants aussi sur le business du social, par exemple, pour sortir un peu de la thématique de santé, de dire finalement, pour expliquer que de plus en plus, il y a des grosses associations qui existent, qui sortent de terre et qui, en fait, investissent en fonction des périodes, des contextes, investit sur l'autisme, investit sur le rhum, investit sur le syrien. En fait, c'est des niches, en fait. C'est de se dire, finalement, où est-ce qu'il y a de l'argent et on va investir là-dedans, en fait. Et ça remet tout en cause ce que c'est qu'être une association, ce que c'est d'être éducateur spécialisé dans une association. C'est pas la même chose, en fait, quand on travaille pour une entreprise sociale ou pour une association à but non lucratif, en fait. Donc, c'est toutes des questions de ce type-là qu'on pose dans ce numéro. Et on va un peu plus loin, notamment avec justement cet article sur l'île Sud aussi, sur la pollution à l'île Sud, ou encore sur la privatisation de l'eau à Dunkerque, par exemple. Donc voilà, très rapidement, je ne sais pas oui, si... Oui, très très bien. Moi, je disais tout à l'heure, là, avant l'émission, que j'ai particulièrement été intéressé par l'article sur le social et sauvegarde en particulier, dont un certain de Saint-Ignan a dirigé un peu à un moment, la sauvegarde, il me semble. Et celui qui le dirige, j'ai très proche, je me souviens. Bah justement, on ne citera pas son nom. Je vais tout à fait le citer. Donc Christophe Hitchet, le directeur général de la Sauvegarde du Nord, qui est par ailleurs le tout nouveau président du MOUV, qui est le mouvement des entrepreneurs sociaux, et qui est aussi le délégué régional du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron, et qui avait notamment accueilli dans ses locaux de la Sauvegarde du Nord les troupes En Marche de la région, par exemple, et qui avait accueilli Emmanuel Macron aussi. Et en fait, effectivement, Christophe Hitchet, dans une logique vraiment d'entrepreneuriat social, où finalement, rien ne distingue, il le dit lui-même, rien ne distingue une entreprise classique d'une association. Oui, alors c'est tout à fait ça. Hein. Actuellement, y a, dans le milieu associatif, et les gens critiques, qui critiquent le milieu associatif et qui s'en inspirent, disent le danger, effectivement, qu'encourt le milieu associatif d'être complètement géré comme les entreprises. Le MOUV, effectivement, dans cet esprit-là. Tu l'as sous les yeux, une superbe phrase de Macron qui est dans l'article sur le social. Je ne sais pas si tu l'as trouvé facilement. Ça ressemblait... C'était quoi le titre C'était une inter... Le titre, c'est sur le social. Hein. C'est peut-être l'article sur les contrats à impact social. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que j'explique un peu ce que c'est que les contrats à impact social, rapidement. Vite fait, je voudrais poser une dernière question sur... Parce qu'en fait, c'est un truc qui est vachement intéressant, c'est de se dire, en fait, l'État n'a plus de moyens, donc il va demander au privé de financer, en fait, les actions sociales. Problème, c'est qu'il y a toujours cet objectif de rentabilité qui est derrière et qui fait qu'il y a une pression sur les travailleurs, sur les éducateurs spécialisés, ou en tout cas sur tous les travailleurs, les professionnels du social. Et donc, c'est un peu cette logique du contrat à impact social avec un taux de rentabilité promis aux entreprises et qui financent. Donc c'est grossièrement. Et donc, effectivement, la phrase d'Emmanuel Macron, c'est « Ce qui est le plus efficace économiquement est presque toujours le plus juste socialement. » C'est absolument hallucinant. Fermez le banc, quoi. C'est pas trop ce qu'on peut dire après. Mais je vais quand même dire quelque chose. Tu voulais ajouter quelque chose? Il y a le mot « presque » dans la phrase. Ça, c'est rigolo. Enfin, c'est-à-dire que le mec, bon, il dit « presque », alors il peut se tromper. Enfin, c'est pas très grave. Ouais. Quoi. Il est marrant, notre Macron, hein, quand même. Oui, enfin, oui. Oui, moi, je voulais encore à gauche, en quelque sorte, le presque. Presque. Une dernière question, peut-être, sur... est-ce que vous êtes en contact avec les autres journaux? Tu as parlé de Lulu de Nantes. Et est-ce que vous pensez, un jour, un consortium... Je dis ça inspiré par un article de 2014 du Monde Diplomatique, où on proposait un service commun de production de la presse. Et en 2013, je crois, Ravi avait réfléchi et a réuni autour de lui, dans le Var, je crois, une dizaine ou une vingtaine même de journaux alternatifs. Alors, est-ce qu'on est en contact avec les autres journaux? Oui et non. Enfin, c'est assez. Enfin, nous, on a notre tambouille lilloise. Enfin, faut pas oublier. On avait compris ça. Faut pas oublier qu'on fait un journal local, donc la vie des médias, évidemment, qu'on s'y intéresse. Mais est-ce qu'il y a des. Enfin, il existe des coordinations, des médias pas pareils, des médias alternatifs. Et c'est assez fourre-tout aussi. Nous, on est plutôt en contact avec les gens qui nous ressemblent quelque part. Donc, c'est leur avis, notamment à Marseille. Où on s'était amusé à comparer le FN du Nord et le FN du Sud. Fakir, on a de temps en temps des contacts avec eux. Enfin, on s'échange des coups de main, c'est-à-dire que eux, des fois, ils ont besoin de visibiliser une lutte, je sais pas, dans le Sud-Ouest. Eh bien, allez, on leur fait une petite brève. Ça participe. Voilà, on s'échange quand même des petits coups de main. Là, on a eu notre procès, par exemple. La décroissance nous a repris. Fakir, il y a eu Libé. Il y a eu la lettre à Lulu. Le Postillon, qui est aussi en procès, qui lui, c'est un peu plus grave. C'est une affaire de diffamation et on leur réclame quasiment 10 000 euros. Donc pareil, on a fait une petite bref, hein, on sait plus des coups de main par-ci par-là, et puis qu'on se le dise, hein, c'est quand individuellement on va en vacances, tiens, on est dans le coin, on va aller rencontrer un tel, et enfin c'est toujours, enfin communiquer par boîte mail, c'est toujours un peu compliqué, donc voilà, le tisser des contacts humains d'abord, et puis après voilà, on appelle les copains par téléphone ou quoi, mais ça arrive assez rarement, même si en fait tout le monde est ouvert à tout le monde, mais comme on est tous dans nos, enfin comment dire, un journal, une ville, enfin je prends le postillon à Grenoble, la lettre à Lulu à Nantes, bien sûr qu'on peut calquer des fois certains schémas de ce qui nous arrive, enfin la gentrification par exemple, elle a eu lieu dans toutes les grandes villes de France. Bien sûr. Bon, de toute façon on se lit les uns les autres, on s'envoie les journaux aussi les uns les autres, donc c'est voilà, c'est Claire veut prendre bon, moi je mais pense je que je ne veux pas te couper la parole. Ah non, mais... non, mais juste pour peut-être terminer la boucle, ouais. On va fêter les 10 ans là, de la Brique cette année. Ça va être aussi l'occasion notamment d'inviter tout ce réseau-là de personnes. Enfin, on ne sait pas encore, c'est à définir, c'est pas clair du tout. Mais c'est par ce genre de choses que le réseau il existe. Après, moi je pense qu'effectivement il n'est pas très ténu et qu'il peut que gagner à être. Il y a des rencontres de médias libres en général tous les étés. La Brique n'y est pas parce que je pense qu'on a aussi des vies perso. Et puis bah, c'est pas toujours facile de concilier le tout et c'est aussi des rencontres qui sont beaucoup plus tenues et animées par des médias qui sont sur internet en fait que bah, même si la presse papier est aussi hein, mais enfin voilà, mais donc du coup les 10 ans notamment ça va être l'occasion d'une grande fête cette année et puis d'aller dans ce sens d'un raffermissement du réseau, peut-être. Voilà, après les 50 ans fêtés par Valeurs Actuelles à la faveur d'une soirée où il y avait tout le gratin d'extrême droite et de la droite, la Brique fait son anniversaire pour les 10 ans. La comparaison s'arrête là. Il y a un mot plus. Peut-être une dernière chose, c'est tu parles des acteurs sur Internet, Claire. Nous, on se réfère beaucoup à un portail qui s'appelle réseau.net. qui s'appelle le réseau des copains, et eux reprennent exactement, enfin toute cette presse alternative, ils ont une liste assez impressionnante, et donc ils nous font l'honneur aussi là de particulièrement cette année de publier en une nos articles quand ils sortent sur le site internet. Mais donc ça peut être une bonne approche aussi pour découvrir un peu la diversité des médias alternatifs. Bastamag aussi, qui est un portail depuis cette année là qui relève aussi énormément d'articles. Ouais. Bien, bah écoutez, merci pour cette présentation et puis pour ces interviews. On n'a plus qu'à espérer que le développement de la Brique et le développement de la presse alternative pour contrer la morosité de la presse nationale, de la PQN, presse quotidienne nationale et d'ailleurs régionale. En l'occurrence, on pense très fort à la Voix du Nord et à Nord et Clair. Bonne continuation et merci. Bon anniversaire. Merci, alors, merci. On va passer une petite chanson de notre préférée, la Parisienne Libérée, sur la presse sous pression. Ça peut être adapté. Je mets la presse sous pression, j'ai comme l'impression que les médias me lâchent, et ça me fâche. Je mets la presse sous tension, j'ai bien l'intention que mes titres passent, pour que ça. Moi j'avais pris l'habitude que toutes mes phrases deviennent un tube. À l'époque ils aimaient ça, les journaux de la France d'en bas. Moi qui tout fait pour leur plaire, du parler court, du parler clair. Je leur ai fait gagner de la thune à chaque fois qu'ils m'ont mis en une. Et voilà que les pions critiquent en clairement leur indépendance. Je vais leur faire voir de la République, ils vont comprendre ma présidence. Je mettrai Libé au cachot, le Parisien à la campagne. Je ferai chanter le Figaro et je déculotterai Marianne. J'empaillerai le canard, l'image attendrai qui s'effondre. Je bloquerai l'Express en gare, je serai le maître du monde. Je mets la presse sous pression, j'ai comme l'impression que les médias me lâchent et ça me fâche. Je mets la presse sous tension, j'ai bien l'intention que mes titres passent ou que ça casse. Reprendre un communiqué, c'est quand même pas difficile. Il suffit de recopier, surtout que les miens ont du style. Non mais pour qui qu'ils se prennent, c'est plus mieux d'une vie d'ordure. Va choisir ce qui vaut la peine, ma parole c'est de la censure. Mais je ne me laisserai pas faire, je vais les mettre en concurrence. La FP fera moi la fière quand j'aurai ma propre agence. Je mettrai bonne idée au cachot, le parisien à la campagne. Je ferai chanter le Figaro et je déculotterai Marianne. J'empaillerai le canard, l'image attendrait qu'il s'effondre. Je bloquerai l'express en gare, je serai le maître du monde. Je mets la presse sous pression, j'ai comme l'impression que les médias me lâchent et ça me fâche. Je mets la presse sous tension, j'ai bien l'intention que mes titres passent ou que ça me passe. Donc c'était la presse sous pression de la Parisienne Libérée, donc enregistrement au Forum Léo Ferré, comme quoi, le 20 novembre 2010. Merci Florent. Eh bien, bien sûr, on a regretté l'absence de René La Science, mais vous inquiétez pas, René nous a concocté l'activité d'attaque. On va en parler avec Louis. Eh bien, ben, évidemment, j'ai déjà annoncé un peu dans l'introduction. Est-ce que, bon, c'est la lutte contre les traités de libre-échange transatlantique, les dénommés TAFTA et CETA ? Absolument, oui. Et aujourd'hui, donc, c'est, tu l'as dit, dans la rue que ça se passe. Aujourd'hui, en France et en Espagne, des marches. Bon nombre de marches sont organisées, notamment une à Paris, on pense à René et à tous les camarades qui l'accompagneront, on espère qu'ils seront nombreux. Une marche qui part de Stalingrad pour rejoindre la place de la République. Et donc on espère qu'ils seront extrêmement nombreux. Quatre cortèges thématiques, agriculture et alimentation, climat, démocratie et solidarité internationale, emploi et services publics. Bien, effectivement, ce mouvement est un mouvement aussi qui ne concerne pas que la France, heureusement. Il y a d'autres pays engagés dans cette affaire, notamment pour le CETA, puisque c'est lui qui est le plus urgent des signatures du traité, en fait. Oui, cette marche va s'inscrire dans la continuité de bien d'autres qui ont déjà eu lieu en Allemagne, en Autriche, en Belgique et d'autres ensuite à venir. On pense à Amsterdam, Athènes, Copenhague, Dublin et Madrid. Et on pense aussi aux députés de Wallonie, oui, qui s'opposent au TAFTA. Effectivement, René nous signalait dans son papier qu'il y avait urgence, en effet, puisque c'est des dates bientôt de signature. Alors la date à retenir, c'est le 18 octobre prochain, puisque c'est à cette date que doit intervenir l'approbation, ou on l'espère la désapprobation de certains États membres. On pense effectivement aux députés wallons qui nous ont donné un autre son de cloche cette semaine que messieurs Trudeau et Valls. Alors, il y a d'autres actions actuellement. Je pense que j'ai entendu parler de choses concernant l'agriculture. Oui, oui, oui. L'avis de démolition de l'agriculture. Ah, rien que ça, en effet. Par Attaque France, la Confédération paysanne et les Amis de la Terre, à une semaine du vote du Conseil des ministres du commerce de l'Union européenne. Qui devrait donc donner son aval à la signature du CETA, des ouvriers viennent d'entamer la démolition du ministère de l'Agriculture en vue de son transfert au ministère de l'Industrie. C'est rigolo, c'est quand même. Hein. Donc, comment vous trouvez ça? Vous pouvez intervenir, hein, les gens de la BRIC, sur ces questions-là. D'autres choses concernant le traité? Oui, le sommet citoyen contre le CETA qui aura lieu au Parlement européen à Bruxelles le 20 octobre et qui est organisé à l'initiative de députés européens, membres de la Commission du commerce international en coordination avec le réseau des collectivités territoriales Hortafta, CETA et TISA. Oui, rappelons que la région Nord-Pas-de-Calais s'était déclarée hors TAFTA à un moment. Je ne sais pas, avec le changement de direction, je ne sais pas comment ça se passe. Encore qu'il me semble bien que Xavier Bertrand soit contre ce traité. En tout cas, le TAFTA, le CETA, je ne sais pas. Non, vous avez... Bon, alors on va continuer. On peut citer aussi une pétition, la pétition demandée à Matthias Fekel, donc le secrétaire d'État au commerce, de rejeter la signature... du CETA. On peut signer sur le site d'Attaque France, notamment. Oui, alors Matthias Fekel était vraiment vent debout un moment contre ces traités, et puis ouais. La façon surtout dont il a été excusez-moi, lui-même traité par l'ambassade des États-Unis qui le convoquait pour venir lire les dossiers absolument. De négociation. C'est absolument extraordinaire. Alors, les autres activités d'attaque, on va parler peut-être des possibles, qui est édité, qui est une édition donc en ligne sur le site d'attaque. Les possibles, c'est une revue qui va traiter aujourd'hui, ce mois-ci, pardon. Du devenir du travail. Le titre de l'éditorial est sympa, travail et revenus sont dans un bateau. Voilà, ça veut tout dire. Bien, et sur le plan local, Ludovic. Au plan local, le collectif Soptafta de la métropole, donc concernant l'activité du collectif Soptafta de la métropole, donc un petit retour sur la journée d'information sur les traités de libre-échange qui avait donc eu lieu le 24 septembre, après bien des péripéties. Elle devait initialement se tenir en juin, et donc elle a eu lieu, mais sans cheval de Troie, puisque sa venue a été refusée. Néanmoins, place Riour, le bilan est plutôt positif. Et si c'est René qui le dit, c'est que c'est vrai. Donc la manif aujourd'hui, et surtout pour finir, encore un débat sur TAFTA. Oui, avec les gens d'Elem, à l'initiative du moins des gens d'Elem, qui organisent une table ronde publique sur le CETA et le TAFTA. Ce sera le 2 novembre à l'espace des Acacias, et le soutien du collectif est bien entendu requis. Bien, merci Ludovic pour ces informations locales. La révolution, ça dérange. La révolution, ça s'arrange. La révolution, ça s'explique. Et quand ça s'explique, ça se complique. Et ça se met dans une commission. Et ça se met dans une commission de l'armée de préférence. Et dit Sanguinetti, qui est celui-là dit? C'est un Corse, et non, c'est un gaulliste. La télévision, ça se vise. La télévision, ça divise. La télévision, ça litige. Et quand ça litige, ça se corrige. Ça se met dans un communiqué. Ça se met dans un communiqué. Trafiqué de préférence. Eh, dis, ce Finalteri, c'est celui-là encore. C'est un Corse, c'est un gaulliste. La révolution, c'est pratique. La révolution, ça oblique. Ça tombe comme ça peut et ça prête. Et quand ça prête trop, ça s'achète. Ça se met dans une augmentation. Ça se met dans une augmentation du fumier de préférence. Ortoli! Ortoli! Qui est-ce lui alors? Dit, c'est un gaulliste? Non! C'est un ministre! La révolution tralalère, la révolution tralalère, la révolution tralalère. Quand ça tralalère trop, ça se casse, ça se met dans un coin à glander, ça se met dans un coin à glander pour longtemps de préférence. Et tous ces mecs qu'on voit plus, dit, qui c'était ça? C'était des... Non, c'était peut-être des... Non, non, non, non. Et alors, qui c'était? C'était des journalistes honnêtes. Voilà, ça me fait toujours plaisir. J'ai été ravi d'avoir réentendu cette chanson de Léo Ferré. Il faut vous dire que cette chanson, particulièrement de circonstances, je crois qu'elle était faite à l'époque donc de 70-71, où Ortoli devait se présenter contre Augustin Laurent à la mairie de Lille. Alors, je ne vais pas dire que Léo Ferré a écrit cette chanson pour Lille, mais c'était vraiment une œuvre de circonstances. D'ailleurs, on ne l'a pas trouvée avec Florent dans des enregistrements studio. Elle n'est qu'en public, apparemment, cette chanson. Voilà. Donc, on devrait passer au coup de gueule, encore qu'on n'en a pas vraiment. mais j'ai quand même noté deux petits trucs, même trois d'ailleurs, si j'ai le temps. Ouais. Pas un coup de gueule, non. Je tenais à faire remarquer que notre voisin, modèle allemand, ordo-libéral, le doigt sur la couture sur le 0,5% de déficit budgétaire, est potentiellement dans une situation de casse-gueule que les économistes bien intentionnés et distingués, comme d'habitude, qualifient régulièrement de systémique. La cause en est bien sûr la très faillible Deutsche Punk, qui s'est fait des choses en or avec les Subprime, donc en 2007. Trop gras pour les Américains, trop gros, pardon, pour les Américains, qui lui ont collé une amende de 14 milliards de dollars ou d'euros, je sais plus, à ce chiffre-là, je ne compte plus, mais qui était aussi vite converti en 5 milliards pour amende honorable de la Deutsche Bank. C'est quand même assez hallucinant. Qui a quand même licencié un quart de son personnel au mois de juin, si mes souvenirs sont exacts. L'action de la Deutsche Bank valait 100 en 2007, elle en vaut 10 en 2016. Voilà, on a vit une époque formidable, n'est-ce pas, hein? Autre chose. Donc je vais devoir improviser là complètement. Oui, alors on a reçu par des copains d'Attaque quelque chose d'assez marrant. Le jour de la manifestation du 15 septembre 2016, se sont réunis des policiers et des civils, tous les deux, policiers et civils, qui étaient aussi, je crois, ont en fait été matraqués un moment, les uns par les policiers et les autres par les civils. Et ces gens sont pas contents du tout, tous ensemble, qu'ils le sont. Et ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, qui est un article 68.2 de la Constitution. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès de la commission des requêtes. Et cette commission des requêtes, ben, les gens vont s'adresser à elle en disant ben, « Nous, on est policiers, nous, on est citoyens, on s'est fait tabasser, mais on sait... » Et d'ailleurs, Florent le sait mieux que personne, ici, autour de la table... Mais on sait que la police ne peut pas être incriminée pour ces faits contre les citoyens manifestants. Eh bien donc, eux, ils peuvent pas s'adresser aux policiers, les civils en tout cas peuvent pas s'adresser aux policiers, les policiers vont pas s'adresser évidemment aux civils, donc on s'adresse à la commission des requêtes pour dire « Monsieur, voilà, vous êtes le responsable de la police ». Et nous, on vous accuse, nous, on demande des dommages et intérêts, on vous accuse pas, on demande des dommages et intérêts en tant que responsable des gens qui nous ont matraqués et qui sont en bleu. Voilà, c'était une petite histoire qui me semblait intéressante. Donc il y a un courrier qui va avec. Je dépose plainte contre M. Manuel Valls, aussi bien pour son action en tant que ministre de l'Intérieur que comme Premier ministre, pour m'avoir exposé directement à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifeste délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, comme prévu par l'article 223.1 du Code pénal. Voilà, ces genres de choses me semblent tout à fait intéressantes. Et si nombreux étaient ceux qui ont été un peu molestés pendant les différentes manifs, eh bien, se réunissaient, ça ferait du bruit certainement. Je regarde une dernière fois la montre avant de laisser la parole à Florent. Savez-vous pourquoi le canard enchaîné s'appelle canard enchaîné? Parce que c'est pas une poule mouillée. Ah, c'est amusant, mais c'était pas ça, non. Le canard, bon, c'est un mot traditionnel de l'argot pour dénommer un journal. Mais enchaîné, pourquoi? Eh bien, on est en 1915-16. Au moment de la création du canard enchaîné. Parallèlement au canard enchaîné, un certain Georges Clémenceau va créer un journal qu'il appelle L'Homme Libre. Et Clémenceau a été condamné pour fait de presse. Et donc, il a appelé son journal Enchaîné. Et donc, le canard est devenu le canard enchaîné, avec promesse que lorsque le directeur de la publication sera président du conseil, ils enlèveront le mot enchaîné. Voilà, c'était la petite histoire. Florent, c'est à toi. Merci Christian. Alors donc l'agenda militant, je commence par quelques projections au cinéma L'Univers à Lille. Donc ça a commencé hier soir et c'est cet après-midi et demain, c'est le festival anti-pub de la dépollution mentale, Le cerveau disponible, 4e édition. Au programme, cet après-midi, un atelier à 15h, une conférence-discussion à 16h30 sur l'éco-blanchiment et action de désobéissance civile avec les déboulonneurs à 19h, puis projection à 20h30 de How to Get Aid in Advertising sur le monde des publicitaires. Demain à 15h30, conférence-discussion intitulée « Quelques grammes de philosophie dans un monde de pub ». Puis 19h30, projection du film « La blonde explosive » tournée en 1957. Toujours à l'univers, le jeudi 20 octobre à 20h, projection du documentaire « Les champignons pourront-ils sauver le monde ?» Les champignons ont développé une forme d'intelligence unique qui leur a permis de s'adapter aux conditions les plus extrêmes et de coloniser la plupart des milieux. Le vendredi 21 octobre à 20h, toujours à l'univers... c'est toujours à l'univers et proposé par la CNT. Donc, c'est Howard Zinn, une histoire populaire américaine de Olivier Azam et Daniel Mermet avec Howard Zinn, Noam Chomsky et Chris Hedge. Projection au LAG, le lieu autogéré de Liévin, le samedi 15 octobre à 19h. Donc, c'est Comme des lions. C'est un film qui plonge le spectateur au cœur de 2 ans d'engagement des salariés de PSA au Aulnay. On compte la fermeture de leur usine qui employait plus de 3000 personnes, dont près de 400 intérimaires. Ça sera en présence de la réalisatrice Françoise Davis. Le même soir, un peu plus tôt, projection débat à propos du mouvement contre la loi travail, le mardi 18 octobre à 20h, donc ça sera cette fois à l'Union locale des syndicats de CNT de Lille, rue d'Arras, et donc ils organisent la projection débat pour faire un premier bilan du mouvement contre la loi travail et discuter des luttes futures. Le lundi 17 octobre à 17h30, au Furet du Nord de Lille, présentation de l'ouvrage « La fièvre de l'évaluation ». C'est un ouvrage collectif aux presses universitaires du Septentrion. Donc la fièvre de l'évaluation interroge les pratiques évaluatrices dans des domaines très différents d'activités profondément humaines. Le mardi 18 octobre 2016, 18h à Mont-Saint-Barœul, donc c'est l'inauguration d'un nouveau lieu qui s'appelle l'Auberge Espagnole. C'est au 58 avenue Robert Schuman. Donc l'Auberge Espagnole, c'est pour des initiatives de solidarité économique, culturelle, sociale et émancipative. Donc ça sera en présence de Marc Godefroy, conseiller métropolitain délégué à l'économie sociale et solidaire, et Rudy Elguest, maire de Mont-Saint-Barœul. Inscription souhaitée, donc vous pouvez aller sur leur site, hein, www.l'aubergeespagnoletoutattaché.org. Et donc un autre lieu aussi qui va bientôt ouvrir, et donc il y a des réunions qu'ils ont eu plusieurs fois. La prochaine, c'est le mardi 25 octobre à 18h30 à la Ferblanterie, 16 rue Abélard à Lille. Donc, c'est un lieu qui s'intitule Futur lieu de convergence à Lille. Donc, si vous cherchez un atelier à louer, si vous cherchez un local ou une salle de réunion pour votre association, votre collectif, si vous développez une activité citoyenne ou militante, pour construire des liens, des réflexions, des actions. Donc venez vous renseigner, participer à la construction du futur lieu de convergence lillois. L'inauguration est prévue au printemps 2017. Et donc également, pour finir, le Festival Palestine qui a lieu du 4 novembre au 3 décembre. Donc au programme, conférences, films, expositions. Donc le programme est sur Démosphère et sur leur site, hein, festivalpalestinetoutattaché.unblog.fr. Donc... voilà. Effectivement, je recommande d'ailleurs ce festival Palestine qui est pas mal intéressant. Eh bien, c'était l'émission Angle d'attaque, l'émission d'attaque métropole, tous les troisièmes samedis du mois sur Radio Campus 106,6 MHz. Et n'oubliez pas de lire la brique et de faire lire la brique, labrique.net. Labrique.net, oui. Et puis vous pouvez acheter notre tract ou torchon gauchiste dans tous les kiosques de la métropole lilloise et maintenant aussi de Berck jusque Dunkerque. Donc, non, mais c'est toujours pas un journal. S'internationalise. On a retenu la leçon. Bien, et bien, bon week-end à tous et à bientôt. Et sur... Que le mois prochain, on reste sur la thématique médiatique parce qu'a priori, on va recevoir sans doute des gens d'Acrimed. Pour l'instant, c'est encore une hypothèse, mais qui, à mon avis, sera, je l'espère, réaliste, sur le traitement médiatique, justement, du mouvement social de ce printemps, donc le mouvement contre la loi travail. Donc peut-être qu'on aura des gens d'Acrimed, à défaut d'avoir Gilles Balbast, qui, a priori, n'est pas disponible. D'accord, mais Acrimed, c'est très bien. À très bientôt sur 106,6 MHz Radio Campus. Thank you. battu pour décrocher la lune. Et il nous faut l'argent, l'argent, l'argent pour rester vivant. Il faut de la thune, la thune, la thune. Sans vouloir la fortune, tous les gens ont besoin d'argent. L'argent, surtout en ce moment, d'ailleurs à n'importe quel moment. On a tous besoin d'argent. Il est bien quelque part l'argent, dans des coffres au fond des banques. Il dort l'argent. Et pendant ce temps-là, il nous manque cruellement, cruellement. Où il est l'argent? Cruellement, cruellement. On a tous besoin d'argent. L'amour, l'amour, d'accord, c'est d'accord pour le corps à corps. L'amour, l'amour, encore, encore, c'est mille fois d'accord. Oui, si tu n'as pas l'argent, l'argent, tu le nourris comment? Amour-là, ton grand amour, il va peut-être pas durer toujours. Où il est l'argent? Mais qu'est-ce qu'il fout l'argent? Tu travailles pas, t'as pas d'argent. Tu travailles, on prend ton argent. Où il est l'argent? Où il est l'argent? Moi j'ai besoin d'argent, oui j'ai besoin d'argent. Pour te faire des petits cadeaux, et puis des petits restos. Pour partir en bateau, et rêver au fil de l'eau. Les gens ont besoin d'argent, de 7 à 77 ans. C'est quand même très important, ça empêche pas les sentiments. Où il est l'argent? Où il est l'argent? C'est ce mot-là qui revient tout le temps. Mon amour, j'ai besoin d'argent. Trop besoin d'argent. Trop besoin d'argent. L'amour, l'amour, d'accord, c'est d'accord pour le corps à corps. L'amour, l'amour, encore, encore, c'est mille fois d'accord. Oui, mais l'argent, l'argent, l'argent. Où il est l'argent? Où est la thune? La thune, la thune. Pour décrocher la lune, il faut l'argent, l'argent, l'argent, l'argent. Pour rester vivant, il faut de la thune, la thune, la thune. Sans vouloir la fortune. La la la la la la la la la la la la la. L'amour, l'amour, encore, encore, c'est mille fois d'accord. Oui, mais l'argent, l'argent, l'argent. Où il est l'argent? Où est la thune? La thune, la thune pour décrocher la lune. L'amour, l'amour, d'accord, c'est d'accord.